Le rassemblement central consacré au 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée a lieu le 8 courant au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont pris part les cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée comme Kim Yong-nam, Fan Byung-so et Park Bong-soo, un président de parti ami, les membres des organismes directeurs centraux du parti de la ville de Pyongyang, les députés à l'Assemblée populaire suprême, les cadres des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des organisations sociales, des ministères et des établissements centraux, les officiels des établissements, usines et entreprises de Pyongyang, les novateurs de travail, les familles des martyrs révolutionnaires, le corps de félicitations des Coréens au Japon, les Coréens d'outre-mer et le représentant à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Y ont été invités les représentants diplomatiques de divers pays, des institutions internationales et les attachés militaires en Corée. Dans son rapport, le Premier ministre Park Bong-soo, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti travail de Corée, a indiqué « Les camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il ont accompli d'immortels exploits pour que notre République possède de puissantes capacités politico-idéologiques et militaro-économiques de réaliser à jamais le progrès et la prospérité. Ils ont considéré l'unité monolithique comme la pierre angulaire et la base de notre socialisme et de l'éducation de la puissance, renforcer parfaitement les sujets de la révolution et consolider de fond en comble le fondement politico-idéologique de notre République. Tout le long de la direction de la révolution, ils ont défini les affaires militaires comme les plus importantes de l'État et concentré tout le potentiel au développement de la capacité de défense nationale afin de transformer l'armée populaire en rang révolutionnaire Bektusan invincible et notre patrie en puissance militaire mondiale. Les grands leaders ont considéré la réunification nationale comme la plus grande cause patriotique, ont sacrifié tout jusqu'au dernier moment de leur vie révolutionnaire pour léguer la patrie réunifiée à la postérité et livrer dynamiquement les activités extérieures afin de contribuer à l'accomplissement de la cause d'émancipation du monde. Aujourd'hui, notre République salue l'ère de la grande prospérité dans l'éducation de la puissance socialiste grâce au camarade Kim Jong-un. Nul ne peut barrer la marche de nos militaires et civils qui s'avancent impétueusement vers le sommet de la puissance socialiste, ayant à la tête de la révolution le maréchal bien-aimé.